أيها الإخوة الكرام، ceci est notre 45e rencontre parmi les rencontres de cette noble série Silsilat Marahil Dar al-Akhira, étape vers la demeure dernière. Et nous avions certes parlé lors de notre précédent discours des bienfaits et des faveurs et des délices al-Na'im dans lesquels plongeront les gens du paradis Ahlul Jannah. Ja'alani Allah wa iyyakum min ahliha. Qu'Allah nous place parmi ses habitants et les gens du paradis. Nous avions ainsi dit, ayol l'ikhwa, que les gens du paradis Ahlul Jannah rentreront au paradis Al-Jannah après le jugement Al-Hisab et la balance Al-Mizan et le pont Al-Sirat. Mais il y a des gens qui auront glissé d'au-dessus du pont Al-Sirat. Mais il y a des gens qui ainsi seront tombés de ce pont dans le feu de l'enfer Nar ou Jahannam. Telle est la catégorie évoquée par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Comme il a été dit dans le hadith d'Abi Hurayrah et d'Abi Saïd radiallahu anhuma, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit: tels sont les renversés, ceux qui auront été jetés dans le feu An-Nar et qui n'auront pas été sauvés du pont As-Sirat. Comme il a été déjà évoqué dans la 42e rencontre de cette noble série, ceux-là auront ainsi glissé du pont As-Sirat alors qu'ils faisaient partie des unificateurs Al-Muwahidin, alors qu'ils faisaient partie des musulmans Al-Muslimin, alors qu'ils faisaient partie de la meilleure des communautés de Sayyid al-Mursalin Muhammad alayhi salat wa salam. Quel est donc l'état de ces jetés? Et quelle sera leur souffrance dans le feu An-Nar? Et resteront-ils dedans? Et resteront-ils dedans pendant une longue durée? Et en sortiront-ils? Et y a-t-il des gens qui rentreront en enfer avant de se renverser dans le feu? Les réponses à ces questions, ayol ikhwa, sont le sujet de notre rencontre d'aujourd'hui, bi-idmillahi azza wa jal. Wa as'aluhu tabaraka wa ta'ala an yubarika fi waqtina wa an yarzuqana al-ikhlasa wa s-sawaba fi al-qawli wa al-amal innahu waliyu dhalika wa mawlah. Ayyuhal ahbab, Ahl al-Sunnah wal Jama'a ont certes été unanimes quant à celui qui meurt désobéissant rasiyan parmi les musulmans al-muslimin qu'il sera placé sous la volonté d'Allah Jalla wa Ala. Tahta mashi'ati Allah tabaraka wa ta'ala, fa in sha'a Allah ghafara lah wa in sha'a Allah 'adzabah. Si Allah le veut, il lui pardonnera. Et si Allah le veut, il le châtiera. Si Allah le veut, il le pardonnera par sa miséricorde. Et si Allah le veut, il le châtiera par sa justice absolue, subhanah. Ainsi, celui qui meurt désobéissant parmi les musulmans al-muslimin, et qui aura effectué ainsi des grands péchés al-kabira, ou bien qu'il ait délaissé les obligations d'Allah, il sera tahta mashi'atillah. Il sera sous la volonté d'Allah Azza wa Jal et il sera certes dans une situation dangereuse. Et nous affirmons ainsi que cette personne mérite le châtiment al-uquba, sauf si Allah le lui pardonne. Contrairement à ce que disent al-murji'a, contrairement à ce que disent al-aqida d'al-murji'a, la croyance d'al-murji'a, cette croyance qui est falsifiée, égarée et faussée, c'est une croyance adoptée par un groupe égaré, le groupe d'Al-Murji'a, qui disent qu'avec la foi, l'iman, aucun péché ne nuit au serviteur. Même si ce péché est un grand péché, tant que la personne est croyante, mu'mina, cela ne le nuit pas. Même s'il boit de l'alcool, même s'il tue une âme, même s'il mange des intérêts bancaires, al-riba, même s'il commet la fornication, al-zina. Et telle est une croyance faussée, nulle et non acceptée et caduque, auxquels répondent et contredisent Al-Qur'an wa Sunnah. Ahl al-Sunnah wa al-Jama'a ont certes, bihamdillahi azza wa jal, été guidés à la vérité Al-Haq, dans les divergences de ces falsificateurs et de ces déviés du chemin d'Allah Jalla wa Ala. Ainsi, Ahl al-Sunnati wa al-Jama'a sont d'accord sur le fait que celui qui meurt désobéissant à Asiyan, qu'il est certes en danger et qu'il mérite le châtiment d'Allah, sauf si Allah le lui pardonne. Et le messager d'Allah alayhi salat wa salam a certes évoqué beaucoup de catégories de musulmans muslimounes rentrant en enfer, nar ou jahannam, que nous entendrons dans les hadiths qui suivront. Et il évoqua sallallahu alayhi wa sallam des catégories de personnes qui seront les premiers à rentrer dans le feu de l'enfer et avant de passer dans le pont Sirat, comme dans le hadith rapporté par l'imam muslim. Et par l'imam al-Nasa'i, selon Abi Hurayrata radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: le premier à être jugé yawm al-qiyamah, le jour de la résurrection, est un homme qui est mort martyr, shahid. Il est mort martyr en apparence devant les gens annas, lors du combat dans le sentier d'Allah fi sabilillahi ta'ala. Le premier à être jugé le jour de la résurrection, yawm al-qiyamah, est un homme qui est mort martyr, shahid. Il sera appelé. Allah lui fera reconnaître ses bienfaits et il les reconnaîtra alors. Puis Allah lui dira: qu'en as-tu fait? Et alors il dira: j'ai combattu pour toi jusqu'à ce que je sois mort, jusqu'à ce que je mourus. Et alors on lui dira: kadabt, tu as certes menti, mais tu as combattu pour qu'on dise que tu étais courageux. Et alors on ordonnera qu'il soit jeté la tête la première dans le feu annar. Puis un homme ayant appris la science religieuse al-ilm shar'i et l'ayant enseigné dans ce bas monde, ayant appris le Coran et l'ayant enseigné, sera appelé. Allah lui fera reconnaître ses bienfaits et il les reconnaîtra alors. Puis on lui dira: qu'en as-tu fait? Et alors il répondra: j'ai appris la science et je l'ai enseigné et j'ai lu pour toi al-Coran. Et alors on lui dira: kadabt, tu as certes menti, mais tu as appris pour qu'on dise de toi que tu es un savant, et tu as lu et récité pour qu'on dise de toi que tu es un récitateur. On ordonnera alors de le jeter la tête la première dans le feu annar. Puis un homme à qui Allah Jalla wa Ala aura attribué et accordé tout type de richesse sera appelé. Allah lui fera reconnaître ses bienfaits et il les reconnaîtra alors. Puis on lui dira: qu'en as-tu fait? Et alors il dira: je n'ai laissé aucune façon de donner sans que je ne l'ai fait, sans que je n'ai dépensé dans le sentier d'Allah pour toi. Et alors on lui dira: kadabt, tu as certes menti, mais tu as fait cela afin qu'on dise que tu étais généreux. Waqatqi, et certes cela fut dit, et cela a été dit. Et on ordonnera alors de le jeter la tête la première dans le feu annar. Ces trois personnes, ayyou al-ikhwatul kiram, seront les premiers à rentrer dans le feu de l'enfer, nar ou jahannam, parmi la communauté d'Al-Islam, Ummati l'Islam. Un homme qui mourut dans le combat, dans le sentier d'Allah. Il mourut martyr, shahid, en apparence devant les gens annas. Et un homme récitateur du livre d'Allah, Jalla wa Ala, et savant de Shari'atillah, Tabaraka wa Ta'ala, et un homme généreux, ayant dépensé dans le sentier d'Allah, ayant dépensé de ses richesses et de ses biens nuit et jour. Mais ces trois-là, ayyou al-ikhwa, seront entrés dans le feu de l'enfer, nar ou jahannam. Pourquoi? Car ils n'ont pas voulu avec leurs actions la face d'Allah Jalla wa Ala. Car ils n'ont pas voulu avec leurs actions la satisfaction de leur Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Mais ils voulurent les remerciements et les louanges et les compliments de la part des gens. Et ainsi ils effectuèrent leurs actions par ostentation al-riya. Alors qu'Allah Jalla wa Ala nous dit dans un hadith Qudsi: celui qui effectue une action dans laquelle il m'associe à autre que moi, je le délaisse lui et son association. Et le hadith est rapporté par l'imam muslim selon Abi Hurayra, radiyallahu anhu. Ainsi, ils n'auront pas voulu la face d'Allah et Azza wa Jal dans leurs actions. Et ils n'auront pas souhaité la satisfaction d'Allah Jalla wa Ala. A'adana Allahu minhum. A'adana Allahu min halihim. Al-Hafidh ibn Rajab, rahimahullah, nous dit dans son livre Le rassemblement des sciences et des sagesses, Il nous dit, rahimahullah, sache qu'effectuer une action pour quelqu'un d'autre qu'Allah, jalla wa ala, se divise en plusieurs catégories. Soit c'est une ostentation pure, al-riya, telles les actions des hypocrites, al-munafiqin, au sujet desquels Allah, jalla wa ala, nous dit, إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسِ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Certes, les hypocrites cherchent à tromper Allah, mais Allah retourne leur tromperie sur eux. Et lorsqu'ils se lèvent pour la prière, ils se lèvent avec paresse et par ostentation envers les gens, et à peine invoquent-ils Allah. Telle est la première catégorie, ayo l'ikhwa. Que la personne effectue une action désirant les gens et leurs louanges, tels les hypocrites, tels munafiqoun. Ceux-là se sont certes exposés à la colère d'Allah et Azza wa Jal et à son châtiment douloureux. La deuxième catégorie, citée par Al-Hafidh Ibn Rajab, rahimahullah, que la personne donne comme intention pour son action la face d'Allah et Azza wa Jal au début de cette action. Mais lorsqu'il commence l'action, l'ostentation lui arrive à rien. Dès l'origine et dès le début, Al-Hafidh Ibn Rajab nous dit, les textes et les récits nous prouvent que cette action est annulée et caduque. Car l'ostentation al-riya est arrivée au début de l'action. Et la troisième catégorie, lorsque l'ostentation arrive, c'est-à-dire que la personne a voulu la face d'Allah Jalla wa Ala au début de l'action, puis lui est arrivée l'ostentation au cours de l'action. Et ici, il y a deux cas. Si le serviteur a repoussé cette ostentation, son action est juste et authentique, sans divergence à ce sujet. Mais s'il continue à l'action avec l'ostentation, eh bien la parole la plus juste, comme nous le dit Al-Hafidh Ibn Rajab, et une parole qui a été également dite par l'imam Ahmed wa Ibn Jarir wa Al-Hassan al-Basri, qu'Allah Ta'ala le récompensera avec sa première intention. Ainsi, ces trois personnes, ayo al-ikhwa, sont les premières à rentrer au feu de l'enfer, nar ou jahannam, de la communauté de l'islam. Et dans une version de l'imam al-Tirmidhi, avec une chaîne de transmission authentique et authentifiée par Cheikh al-Albani, selon Abi Hurayrat radiallahu anhu, il dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam tapa sur mes genoux et il me dit, Ya Abu Huraira, ces trois-là seront les premiers à être carbonisés par le feu le jour de la résurrection, yaoum al-qiyamah. Ces ostentateurs, a'adallahu minhum. Et ici, nous devons souligner un point important, ayu al-ahbab. Un point essentiel. Car certains plaisantins, se prétendant appartenir au groupe des prêcheurs ad-du'at et aux bienfaisants al-muslihoun, vont inciter les jeunes al-shabab à ne pas apprendre le livre d'Allah. Ou bien incitent les gens à ne pas apprendre la science religieuse al-ilm al-shar'i. Ou bien à ne pas dépenser de son argent dans le sentier d'Allah en prenant comme preuve ce hadith. Mais ce n'est que de la stupidité et de l'ignorance. Car nous ne devons pas dire, n'apprenez pas le livre d'Allah, ou n'apprenez pas la science religieuse, ou bien ne l'enseignez pas si vous êtes apte à enseigner. Nous ne devons pas dire, ne donnez pas et ne dépensez pas de vos biens dans le sentier d'Allah et Azza wa Jal. Mais nous devons leur dire, soyez sincères dans vos intentions. Soyez sincères dans vos intentions. Et comme but, la face d'Allah, Jalla wa Ala dans vos actions. Et apprenez la science, et apprenez le livre d'Allah, et répandez le bien. Car si nous regardions, et si nous comprenions et nous saisissions le hadith, en apparence et telle la compréhension de ces plaisantins, tout le monde resterait à sa place, et personne n'apprendrait, et le bien ne serait pas répondu. Et ainsi qu'Allah fasse miséricorde al-Fudayl ibn Iyad, rahimahullah, qui nous dit, délaisser l'action al-amal à cause des gens est une ostentation al-riya. Et effectuer l'action pour les gens est une association à shirk. Wal ikhlas et la sincérité est qu'Allah t'épargne de ces deux situations. Délaisser l'action à cause des gens est une ostentation. Et effectuer l'action pour les gens est une association. Et la sincérité et l'ikhlas est qu'Allah te préserve de ces deux cas. Wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa. وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Et il ne leur a été ordonné cependant que d'adorer Allah lui vouant un culte sincère et exclusif, et d'accomplir la prière et d'acquitter la zakat, et telle est la religion de droiture. أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصِ. Certes à Allah qu'appartient la religion pure. Et qu'Allah fasse miséricorde à celui qui nous dit, Combien de petites actions deviennent grandes de par leur intention, et combien de grandes actions deviennent petites de par leur intention. Cela ainsi, ayol yahwa, ces trois personnes sont les premiers à être jetées en enfer, walayadu billah. Qu'Allah nous protège de leur cas, de leur situation et de leurs actions. Quant au cas de ceux qui auront été renversés du pont Asirat, quant au cas de ceux qui auront été jetés de ce pont Asirat, ceux qui auront été attrapés par les pinces, ceux qui auront été saisis par les tenailles, ceux qui n'auront pas pu passer en paix sur le pont Asirat, ils tomberont dans le feu de l'enfer, Nar au Jahannam. Ils tomberont dans ce feu, An-Nar, alors que le fond de l'enfer est lointain, alors que la chaleur de l'enfer est extrême, et alors que la vision de l'enfer est terrifiante et horrible. Ils seront jetés dans le feu de l'enfer, car ils n'ont pas voulu suivre Siratullah, le pont d'Allah Jalla wa Ala dans ce moment. Car Allah Jalla wa Ala n'a pas créé qu'un seul pont, mais Allah a créé un pont dans ce bas-monde, Ad-Dunya. Siratul Mustaqim, le pont est du chemin droit. Celui qui aura suivi ce chemin, et celui qui se tiendra à ce chemin, et qui se sera accroché à ce chemin et aura mordu par ses molaires, ses pieds seront fermés sur l'autre pont, As-Sirat Yawm Al-Qiyamah. Car Allah n'a pas créé qu'un seul pont. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu. Et voilà mon chemin dans toute sa rectitude, suivez-le donc. Wa la tattabi'u as-subul fatafarraqa bikum an sabilihi. Dhalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Et tel est mon chemin dans toute sa rectitude, suivez-le donc. Et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie. Voilà ce qu'il vous enjoint, ainsi atteindriez-vous la piété. Celui ainsi qui aura suivi les sentiers de l'égarement, Ad-Dalala. Celui qui aura suivi les sentiers de la déviation. Celui qui aura suivi les sentiers de l'innovation, Al-Bid'a. Celui qui se sera écarté du bon dogme, Al-Aqidat Al-Sahiha, et des bonnes actions, et des bonnes paroles, et du bon comportement, son pied glissera le jour de la résurrection. Et il tombera de ce pont Asirat, afin que les pinces le saisissent, et afin que les tenailles l'attrapent et l'accrochent, ces pinces et ces tenailles qui n'auront reçu d'ordre que d'Allah Jalla wa'ala. Comme nous l'avions précisé précédemment, ces pinces et ces tenailles alors l'accrocheront, et l'attraperont, et se saisiront de tous ceux qui n'auront pas suivi le droit chemin, Siratul Mustaqim, Siratullah Jalla wa'ala. Attraperont tous ceux qui n'auront pas suivi le droit chemin de ce bas monde Ad-Dunya, tous ceux qui se seront écartés de ce chemin, tous ceux qui n'auront pas levé la tête aux prêcheurs à ce chemin. Imaginez-vous, ayyuhal ikhwa, les gens de paradis, ahlul jannah, à ce moment-là, sont plongés dans les bienfaits, les délices, les faveurs, na'im wa ahlul jannah, comme nous l'avions évoqué précédemment. Quant à cela, parmi al-muwahhidin, parmi les unificateurs, parmi al-muslimin, parmi les musulmans, auront été renversés dans le feu An-Nar. Quel est donc leur état dedans? Comment seront-ils tombés? Et en sortiront-ils? Écoute, l'imam al-Bukhari ou l'imam muslim nous rapporte dans les recueils authentiques selon Abi Hurayrata radiallahu anhu. Et c'est un long hadith dont nous avons déjà cité quelques parties. Un long hadith dans les deux recueils authentiques. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit: jusqu'à ce qu'Allah Jalla wa Ala voulut accorder sa miséricorde à des gens du feu Ahlinna, il dira alors aux anges Al-Malaïka: sortez du feu ceux qui adoraient Allah. Ils les feront sortir alors. Ceux-là seront alors reconnus par leurs traces de prosternation à faire au sujoud. Car Allah Jalla wa Ala aura interdit au feu An-Nar de brûler les traces de prosternation de Ibn Adam. Il nous dit sallallahu alayhi wa sallam: ils sortiront alors totalement brûlés. Ainsi ils seront reconnus par leurs traces de prosternation à faire le sujoud. Car le feu An-Nar brûle toutes les parties du corps de Ibn Adam, excepté la marque de prosternation. Une faveur de la part d'Allah Azza wa Jal. Les anges al-Malaïka les distingueront alors et les reconnaîtront alors par ces traces de prosternation à faire le sujoud, car Allah aura interdit au feu An-Nar de brûler ces traces. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: ils sortiront alors totalement brûlés, puis on versera sur eux une eau provenant d'un fleuve nommé Nahrul Hayah, le fleuve de la vie. Le corps se régénera alors, telle la petite graine se trouvant au bord d'une rivière. Ainsi cela, ayyuhal ikhwa, sortiront du feu an-nar. Ces unificateurs al-muwahhidoun sortiront de l'enfer an-nar après qu'Allah jalla wa ala ait donné l'autorisation aux anges al-malaïkah de les faire sortir. Après les avoir reconnus par leur marque de prosternation à Farus-Sujud, ils sortiront brûlés, ayyuhal ikhwa, ils sortiront carbonisés. Puis on versera sur eux cette eau d'un fleuve se trouvant aux portes du paradis Abwabul Jannah. Ce fleuve se nommera Nahrul Hayah, le fleuve de la vie. Et leur corps se régénera alors telle la petite graine se trouvant au bord d'une rivière. Ils sortiront du feu par la miséricorde du plus des miséricordieux, des miséricordieux Arhamur Rahimin Tabaraka wa Ta'ala. Et ainsi ici, ayyuhal ikhwatul kiram, nous nous devons de nous arrêter sur un point important et essentiel. Car nous voyons et nous saisissons et nous comprenons de ce hadith la noblesse et l'honneur et la valeur et la place de se prosterner à Allah tabaraka wa ta'ala dans ce moment d'ad-dunya. Que celui qui se prosterna pour Allah et celui qui s'inclina pour Allah dans ce moment d'ad-dunya, Allah acceptera à un moment ou à un autre l'intercession en sa faveur. L'intercession des prophètes al-anbiya et des anges al-malaïka et des croyants al-mu'minoun. Cela nous montre encore une fois la noblesse de cette adoration qu'est la prière à Salah. Et ce hadith nous montre également, ayyuhal ikhwa, qu'il y a des gens parmi les prières al-musallin qui entreront dans le feu de l'enfer. Il y a des prières al-musallin qui iront dans le feu an-nar s'ils n'étaient pas parmi ceux qui étaient assidus à leur prière. Et s'ils étaient parmi ceux qui continuaient à faire des péchés et des désobéissances et qui accomplissaient des grands péchés al-kabira, et qu'ils ne se sont pas repentis à leur Seigneur et Allah ne leur a pas pardonné. Ils rentreront dans le feu de l'enfer an-nar. Et le feu, ayyuhal ikhwatul kiram, les brûlera alors. Et il brûlera tout leur corps, excepté la marque de leur prosternation à Farus-Sujud. Une faveur de la part d'Allah Azza wa Jal. Alors une question se pose, ayyuhal ikhwatul kiram. Si celui qui priait dans ce moment d'ad-dunya est rentré dans le feu de l'enfer an-nar ou jahannam, qu'en est-il alors de celui qui aura délaissé la prière à Salah? Qu'en est-il de celui qui se sera enorgueilli quant à l'adoration d'Allah? Qu'en est-il de celui qui se sera enflé d'orgueil quant à l'adoration d'Allah Jalla wa Ala? وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا. Et ceux qui trouveront indignes de l'adorer et qui s'enfleront d'orgueil, il les rassemblera tous vers lui. إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Ceux qui par orgueil se refusent de m'adorer entreront bientôt en enfer humilié. Faya man taraka as-salah, faya man taraka as-salah, ô toi qui as délaissé la prière, et wallah tu es en danger que tu l'aies délaissé par négligence, ou bien par fainéantise, ou bien par contestation, ou bien par haine de la prière, ou bien la niant. Soit tu seras éternellement en enfer, soit tu y resteras pendant une longue durée, qu'Allah seul sait. Car si celui qui aura prié pour Allah dans ce bas-monde, qui se sera prosterné pour Allah dans ce bas-monde ad-dunya, et qui aura accompli de grands péchés et des désobéissances et n'aura pas craint Allah Jalla wa Ala, rentrera au feu, et le feu an-nar le brûlera, excepté ses marques de prosternation. Alors qu'en est-il de celui qui se sera enorgueilli quant à l'inclinaison à Allah, et qui aura refusé de se prosterner à Allah Jalla wa Ala dans ce bas-monde? Faya tarika as-salah, ô toi qui délaisse la prière, ton cas, yuallah, est très critique. Ta situation, yuallah, est dangereuse. Ta finalité, yuallah, est terrible. Repentis-toi donc à Allah, jalla wa ala. Baisse donc ta tête et place ton visage sur la terre pour Allah, tabaraka wa ta'ala. Ils rentreront alors au feu, an-nar. Et ils seront brûlés, excepté les traces de leur prosternation à Farus-Sujud. Et wallah, ayyuhal ikhwa, ne seront point sauvés du feu. Ils ne seront pas échappés de ce feu en or, ceux qui priaient et qui jeûnaient et qui effectuaient le pèlerinage al-Hajj fi baytillah al-Haram. Ne sera sauvé du feu en or, ayyuhal al-ikhwa, que celui qui sera sous la miséricorde d'Allah al-Aziz al-Jabbar. Ainsi, il y en aura qui ne seront pas sauvés du feu alors qu'ils auront prié et alors qu'ils auront jeûné et effectué al-Hajj. Quelle en est la preuve? La preuve est dans le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim. Selon Abi Saïd ibn al-Khudri radiyallahu anhu, un long hadith, et nous avons déjà cité certains passages, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, jusqu'à ce que les croyants al-mu'minoun a été épargné du feu An-Nar. C'est-à-dire qu'il soit passé sur le pont As-Sirat. Jusqu'à ce que les croyants, Al-Mu'minoun, aient été passés sur le feu, aient été préservés du feu An-Nar. Puis il nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ. Par celui qui détient mon âme dans sa main, il n'y a pas parmi vous de plus demandeurs à Allah dans le rétablissement des droits que ceux qui demanderont et qui imploreront et qui invoqueront Allah Jalla wa Ala le jour de la résurrection pour leurs frères qui seront tombés en enfer. C'est-à-dire que les croyants, al-mu'minoun, imploreront Allah et demanderont et supplieront à Allah tabaraka wa ta'ala et l'invoqueront alors qu'ils seront au paradis al-jannah afin qu'ils intercèdent en la faveur de certains de leurs frères qui seront jetés en enfer an-nar. فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ. Par celui qui détient mon âme dans sa main, il n'y a pas parmi vous de plus demandeurs à Allah dans le rétablissement des droits que ceux qui demanderont à Allah le jour de la résurrection pour leurs frères qui auront été jetés en enfer. Et ils diront alors, رَبَّنَا, ô notre Seigneur, ces gens-là, jeûnez avec nous et priez avec nous et effectuez le pèlerinage al-Hajj. Ils viendront alors intercéder en la faveur de leurs frères. Ils viendront alors intercéder à la faveur des croyants al-mu'minoun. Rabbana, ô Seigneur, ils jeûnaient avec nous, et ils priaient, et ils effectuaient le pèlerinage al-Hajj. Allah Jalla wa Ala dira alors, allez faire sortir ceux que vous connaissez. Allez faire sortir ceux que vous connaissez. Ils partiront alors les faire sortir. Et ils les reconnaîtront alors par leur visage, car Allah Jalla wa Ala aura interdit au feu an-nar de brûler leur visage. Ils les sortiront alors. Après qu'Allah Jalla wa Ala leur ait accordé l'intercession de ses croyants du paradis al-Jannah pour leurs frères, ils les feront alors sortir. Puis ils reviendront alors et ils diront, Rabbana, au Seigneur, nous n'avons laissé personne dont tu nous aies autorisé de les faire sortir sans que nous ne l'ayons fait. Et ils sortiront alors. Ils sortiront alors brûlés et carbonisés. Parmi eux, le feu en aura brûlé jusqu'aux chevilles. Et d'autres, le feu en aura brûlé jusqu'à la moitié de leurs jambes, comme nous le dit Al-Habib al-Mustafa alayhi salat wa salam. Ils sortiront alors. Puis Allah tabaraka wa ta'ala dira aux croyants al-mu'minoun, allez faire sortir ceux qui auront dans leur cœur l'équivalent d'un dinar de bien. Ils iront alors les faire sortir. Ils feront sortir alors beaucoup de gens et de créatures. Puis ils reviendront alors et ils disent, Rabbana, nous n'avons laissé personne dont tu nous aies autorisé de faire sortir sans que nous ne l'ayons fait. Puis Allah Jalla wa Ala leur dira alors, allez faire sortir ceux qui auront dans leur cœur l'équivalent de la moitié d'un dinar de bien. Et alors ils iront les faire sortir. Et ils feront sortir beaucoup de gens et de créatures. Puis ils reviendront alors et ils diront, Rabbana, ô Seigneur, nous n'avons laissé personne dont tu nous aies autorisé de faire sortir sans que nous ne l'ayons fait. Et alors Allah Jalla wa Ala leur dira alors, allez faire sortir ceux qui auront dans leur cœur l'équivalent du poids d'un atome de bien. Allez faire sortir ceux qui auront dans leur cœur l'équivalent du poids d'un atome de bien. Et alors ils iront alors les faire sortir. Et ils feront sortir beaucoup de gens et de créatures. Puis ils reviendront alors ils diront, Rabbana, nous n'avons laissé personne ayant de bien. Nous n'avons laissé personne possédant de bien. Abu Sa'id radiallahu anhu, celui qui rapporta le hadith, nous dit alors, si vous ne croyez pas à ce hadith, lisez alors la parole d'Allah Jalla wa Ala. Inna Allah la yazlimu mithqala dharrah. Wa in taku hasanatan yudha'ifha. Wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Certes, Allah ne trompe personne, ne fût-ce du poids d'un atome. Et s'il aide une bonne action, il la double et accorde avec elle une grosse récompense de sa part. Et Abu Sa'id continue alors le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il nous dira, sallallahu alayhi wa sallam, Allah Jalla wa Ala dira alors, شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبقى إلا أرحم الراحمين. Les anges ont intercédé, les prophètes ont intercédé, les croyants ont intercédé, et il ne reste plus que le plus miséricordieux des plus miséricordieux. Il ne reste plus que le plus miséricordieux des plus miséricordieux. Al-Habib al-Mustafa alayhi salat wa salam nous dit alors, Allah Jalla wa Ala prendra alors des gens du feu min ahlin nar n'ayant jamais fait de bien. ceux-là sont devenus en état de charbon. Il les placera alors sur un fleuve aux portes du paradis, Al-Abwab al-Jannah, appelé Nahr al-Haya, le fleuve de la vie. Et on leur versera alors de cette eau. Leur corps se régénera alors, telle la petite graine se trouvant au bord d'une rivière. Al-Hadith. Et dans une version d'Al-Imam ou Muslim, dans une autre version, selon Abi Saïd également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, quant aux gens de l'enfer, Ahlunnar, ils n'y vivront pas et ils n'y mourront pas. Ils n'y vivront pas et ils n'y mourront pas. Tels les mécréants al-Kuffar et tels les associateurs al-Mushrikoun. Quant aux gens de l'enfer, Ahlunnar, ils n'y vivront pas et ils n'y mourront pas. Mais des gens auront été brûlés par le feu Annar à cause de leurs péchés. Le feu Annar les aura alors carbonisés jusqu'à ce qu'ils soient devenus à l'état de charbon. Et l'intercession fut alors acceptée. Allah Jalla wa Ala ordonnera alors de les faire sortir. Allah Jalla wa Ala ordonnera de les faire sortir. On les amènera alors et on les transportera alors groupe par groupe. Et on les placera alors dans les fleuves du paradis, Ahnahar al-Jannah. Puis on dira, Ya Ahl al-Jannah, ô vous les gens du paradis, versez-leur de cette eau. Et ils régénéreront alors comme pousse la graine au bord d'une rivière. Telle est l'intercession des anges, Al-Malaïka. Et l'intercession des prophètes, Al-Nabiyyin. Et l'intercession des croyants, Al-Mu'minin. Puis viendra ensuite l'intercession du plus miséricordieux des miséricordieux, Arhamur Rahimin. En faveur de qui? En faveur d'Al-Muahidin. En faveur des unificateurs, en faveur de ceux qui auront attesté l'unicité du Seigneur de l'univers, Rabbul Alamin. Ceux-là, ils seront rentrés en enfer, mais n'y resteront pas éternellement. Et telle est une base parmi les bases de l'Aqidah. Et tel est un fondement parmi les fondements de l'Aqidah tu Ahlus Sunnati wal Jama'ah. Amatani Allahu alayha. Qu'Allah nous fasse mourir sur cette Aqidah. Une base, parmi les bases, ayant l'Ikhwa, sans divergence à ce sujet. L'intercession à Shafa'a aura lieu et concernera les croyants al-mu'minoun et les unificateurs al-mu'ahidoun, à ceux qui auront cru en Allah et à ceux qui auront unifié Allah Jalla wa Ala. Ceux-là ne resteront jamais éternellement en enfer. Et cette intercession al-shafa'a est l'intercession sur laquelle Ahlus Sunnati wal Jama'a sont unanimes à ce sujet. Et les récits prouvent cela. Et certaines sectes égarées ont nié l'intercession telle al-khawarij wal mu'tazila, se basant sur une règle erronée et non valable, se basant sur la raison qui rend une chose bonne ou mauvaise, et un dogme faussé et non valable et non accepté. Quant à l'Khawarij, ayyuha al-ikhwatul kiram, ils auront jugé que celui qui effectue un grand péché est un mécréant, et ainsi restera éternellement en enfer. Et ceci est une secte qui est toujours présente de nos jours, comme ceux qui utilisent les bombes et les explosions afin de tuer les gens, dans différents endroits, ceux qui rendent le sang des gens licite et autorisé, que ce soit dans un pays musulman ou non, wal'iyadu billah, ceux-là ont des caractéristiques d'al-khawarij, comme également de juger à ceux qui effectuent les grands péchés comme ils sont mécréants, ou bien penser devoir combattre l'État avec les armes, wal'iyadu billah. Ces groupes se trouvent malheureusement dans beaucoup de pays, et certains pensent de la même façon qu'eux, wal'iyadu billah, qu'Allah nous préserve de cela. Ceci à cause de quoi, yu'al-ikhwa? À cause du manque de science. À cause de l'ignorance en concernant la religion d'Allah et Azza wa Jal, à cause du fait de ne pas prendre la science directement de la bouche des savants al-ulama. Na'am, ceux-là ont étudié dans les livres al-kutub et ont compris d'une mauvaise façon les textes al-nusus. Et à cause de cela, ils auront rendu le sang des gens licites. Ils auront rendu le sang des gens licites et auront donc sali l'image de l'islam de nos jours et dans ce bas monde. Et ainsi la secte d'al-Khawarij a jugé que celui qui effectue des grands péchés est mécréant. Et ils ont dit que celui qui fait un grand péché, tel boire de l'alcool, ou bien manger des intérêts bancaires riba, ou bien commettre la fornication azina, celui-ci est mécréant et il sera éternellement en enfer, wal'iyadu billah. Tel est leur dogme et leur croyance faussée et non valable. Quant à al-Mu'tazila, ceux-là ont jugé que celui qui effectue un grand péché, il demeurera éternellement en enfer, mais ils ne l'ont pas rendu mécréant. Quelle est sa situation? Ils ont dit qu'il se trouve dans un état entre deux états. Il se trouve dans un état entre deux états, ni croyant ni mécréant. Et telles sont deux sectes égarées, dont la croyance et le dogme sont faussés, et non valables, et non acceptés, et caduques. Et Allah Jalla wa Ala bihamdillahi Azza wa Jal a guidé aqidati Ahl Sunnati wal Jama'a vers la vérité al-Haqq, sur laquelle les autres disputaient. Ainsi celui qui meurt désobéissant, asiyan lillah, même s'il effectuait tous les grands péchés, mais qui appartient aux unificateurs al-muwahidin et aux croyants al-mu'minin, il restera tahta mashi'atillah. Il restera sous la volonté d'Allah Azza wa Jal. Incha'Allahu ghafara lah bi rahmatih wa incha'Allahu adhabahu bi adlih. Si Allah Jalla wa Ala veut lui pardonner, il lui pardonnera par sa miséricorde. Et si Allah le veut, il le châtiera par sa justice, puis il le fera entrer dans son paradis par sa miséricorde. Et il ne demeurera point éternellement en enfer. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara ithman 'azima. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne un associé, à part cela, et en dessous de cela, il pardonne à qui il veut. Mais quiconque donne à quelqu'un quelque associé, il aura certes commis un énorme péché. Ainsi, tout ce qui est en dessous de l'association al-shirk reste sous la volonté d'Allah Azza wa Jal. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَصْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés, et c'est lui le pardonneur et le très miséricordieux. Ainsi, tout péché en dessous de shirku billah, de l'association Allah Jalla wa Ala, reste sous la volonté d'Allah, sauf pour celui qui mourut associateur mushrik. Et les savants al-ulama sont unanimes sur le fait que celui qui meurt mécréant kafir ou associateur mushrik n'est pas en mérite de bénéficier de l'intercession à Shafar. Et il demeurera éternellement dans le feu de l'enfer, nar ou jahannam, aradan Allahu minan nar. Et l'intercession ne lui sera d'aucune utilité. فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ. Il ne leur profitera ainsi donc l'intercession des intercesseurs. Et les savants ont dit qu'il y avait des conditions concernant l'intercession à Shafar qui ont été évoquées et citées par les savants al-ulama et qui sont au nombre de trois. Afin qu'Allah Jalla wa Ala accepte l'intercession. La première condition de l'acceptation, ayol ikhwa, est qu'Allah donne la permission d'intercéder. Et cela est sous la parole d'Allah Jalla wa Ala. Man dhalladhi yashfa'u 'indahu illa bi idnihi. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Et également lorsqu'Allah Jalla wa Ala nous dit illa man adina lahu ar-Rahman wa radiya lahu qawla. L'intercession ne profitera qu'à celui auquel le tout miséricordieux aura donné sa permission et dont il agréera la parole. Telle est la première condition, qu'Allah Jalla wa Ala donne la permission d'intercéder. La deuxième condition, ayol ikhwa, est qu'Allah soit satisfait de l'intercesseur, de celui qui désire intercéder, qu'Allah agrée l'intercesseur. Et cela est sous la parole d'Allah Jalla wa Ala, la yamlikuna ash-shafa'a illa man ittakhadha 'inda ar-Rahman 'ahda. Ils ne disposeront d'aucune intercession, sauf celui qui aura pris un engagement avec le tout miséricordieux. Et la troisième condition est qu'Allah Jalla wa Ala donne sa permission et soit satisfait et aura agréé celui qui bénéficie l'intercession, l'intercéder. Et cela est sous la parole d'Allah Jalla wa Ala, la yashfa'una illa liman irtada. L'intercession, il n'intercède qu'en faveur de ceux qu'Allah agrée. Et ces trois conditions sont également évoquées dans le livre d'Allah Azza wa Jal, dans le verset connu de Sourate An-Najm, où Allah Jalla wa Ala nous dit وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهِ لِمَنْ يَشَى وَيَرْضَ. Et combien d'anges dans les cieux dont l'intercession ne servira à rien, sinon qu'après qu'Allah l'aurait permis en faveur de celui à qui il veut et qui l'agrée. Telles sont les trois conditions pour l'intercession à Shafar. L'intercession à Shafar ainsi est donc prouvée et concernera les croyants al-mu'minoun et les unificateurs al-mu'ahidoun, quelles que soient les actions de la personne et quelle que soit l'importance de ses péchés. Et telle est une miséricorde de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. Même si la personne ayol ikhwa n'appartient pas à la communauté de Muhammad alayhi salatu wa salam, à condition qu'elle meure unifiant Allah et croyant au prophète qui lui sera et qui lui aura été envoyé. Ainsi, l'intercession concerne tous les croyants al-mu'minoun et les unificateurs al-mu'ahidoun. Et il y a une exception à cette règle, ayol ikhwa, l'intercession du messager d'Allah alayhi salatu wa salam en faveur de son oncle Abu Talib qui mourut associateur mushrik. Et ceci dans les deux recueils authentiques de l'imam al-Bukhari et l'imam muslim. Selon Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib radiallahu anhu, celui-ci un jour questionna le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en disant « Ya Rasulallah, as-tu été profitable pour ton oncle Abu Talib ?» Pour une chose, car il t'a certes aidé et il se mettait en colère pour toi. Et alors il répondit sallallahu alayhi wa sallam « Na'am, oui ». il sera sur deux braises de feu dans l'enfer, et sans moi, il aura été dans le plus bas degré de l'enfer. Et dans une version du recueil authentique d'Al-Imam au Muslim, il dit, il possède deux sandales de feu qui feront bouillir son cerveau. Telle est l'intercession du prophète alayhi salatu wassalam en faveur de Abu Talib. Pas pour sortir de l'enfer, mais pour lui alléger sa souffrance, car il est mort en étant associateur. Cette intercession à Shafar aura lieu ainsi, pourquoi? Car c'est lui qui s'énervait pour défendre le prophète alayhi salatu wassalam contre toutes les nuisances de Quraysh. Mais personne d'autre n'obtiendra d'intercession et cela est impossible. Aïcha radiallahu anha, et le hadith est dans le recueil authentique d'Al-Imam ou Muslim, elle demanda au messager d'Allah alayhi salatu wassalam la situation et l'état d'un proche à elle nommé Abdullah ibn Jud'an. Elle lui dit, Ya Rasulallah, qu'en est-il de Abdullah ibn Jud'an? Il visitait ses proches, c'est-à-dire pendant Al-Jahiliyyah. Il visitait ses proches et il nourrissait les pauvres. Est-ce que cela lui sera profitable? Et alors il répondit, sallallahu alayhi wa sallam, cela ne lui sera point profitable, car il n'a pas dit un seul jour de sa vie, Rabbi ghfirli khati'ati yawm ad-din. Ô Seigneur, pardonne-moi mes péchés le jour de la rétribution. Et ainsi il est mort, reniant la résurrection al-ba'th, et quiconque meurt, reniant la résurrection al-ba'th, meurt en étant mécréant, et ne méritera pas d'être intercédé. Et dans le recueil authentique d'Al-Imam al-Bukhari, selon Abi Hurayrata radiallahu anhu, celui-ci dit, radiallahu anhu, j'ai certes demandé au messager d'Allah, alayhi salatu wa salam, un jour, Ya Rasulallah, qui sera le plus content de ton intercession le jour de la résurrection, Yawm al-Qiyamah? Et alors il dira, sallallahu alayhi wa sallam, Ya Aba Huraira, je ne pensais pas que quelqu'un m'opposerait cette question avant toi, car tu es certes assidu et désireux d'apprendre l'ahadith. Puis il répondit, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui sera le plus content de mon intercession, le jour de la résurrection, Yawm al-Qiyamah, sera celui qui aura dit la ilaha illallah sincèrement de son âme. Celui qui aura dit la ilaha illallah sincèrement de son âme. Et le messager d'Allah, alayhi salatu wa sallam, a dit également, celui qui dit la ilaha illallah, cette parole lui sera utile un jour, même s'il lui arrivera ce qui lui sera arrivé. Même s'il lui sera arrivé avant cela ce qui lui sera arrivé. Cette parole lui sera bénéfique et utile un jour, même s'il lui sera arrivé avant cela celui qui sera arrivé. Qu'Allah nous préserve de son châtiment, qu'Allah nous préserve du feu de l'enfer, et qu'Allah nous fasse mourir sur la croyance al-Iman et sur l'unicité al-Tawhid. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayh. Lui seul en a la capacité et le pouvoir. Et en tenant ces propos, j'implore le pardon d'Allah pour moi ainsi que pour vous. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من صار على ضربه واستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين أيها الإخوة Ainsi aucun croyant et aucun unificateur ne restera indéfiniment et éternellement en enfer anna. Mais la miséricorde d'Allah, rahmatullahi jalla wa ala arhamar rahimin, l'atteindra par l'intercession des anges al-malaïka et des prophètes al-nabiyyin et des croyants al-mu'minin. Puis celle d'Allah jalla wa ala, l'intercession d'Allah tabaraka wa ta'ala. Quant à ceux qui resteront et qui demeureront éternellement en enfer, tels sont les associateurs al-mushrikoun et les mécréants al-kuffar ainsi que les hypocrites al-munafiqoun. Ceux-là ne pourront jamais sortir de l'enfer, wal-ayadu billah. Dans le hadith rapporté d'un imam muslim selon Anas ibn Malik radiallahu an, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, sortira du feu de l'enfer an-nar celui qui dit la ilaha illallah et qui aura en son cœur le poids d'un grain de blé de bien. Puis sortira du feu de An-Nar celui qui dit la ilaha illallah, et qui aura en son cœur le poids d'une petite graine de bien. Puis sortira du feu An-Nar celui qui dit la ilaha illallah, et qui aura en son cœur le poids d'un atome de bien. Ils sortiront avec l'intercession de qui? L'intercession de ceux que nous avons évoqués précédemment. Et un groupe, ayol ikhwa, un groupe sortira par l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme ceci a été évoqué dans le recueil authentique d'Imam al-Bukhari. Selon Umran ibn Hussein radiallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam nous dit: des personnes sortiront du feu an-nar par le biais de l'intercession de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ils rentreront au paradis al-Jannah, et ils seront nommés al-Jahannamiyin. Al-Jahannamiyin, ceux qui sont venus de l'enfer. Et alors le prophète alayhi salatu wa sallam les a décrits. Après qu'ils soient entrés au paradis al-Jannah, comme dans la version de l'imam ou muslim selon Abi Sa'id radiyallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam nous dit: ils sortiront tels des perles à leur cou, une marque avec laquelle ils seront reconnus. Les gens du paradis Ahlul Jannah diront alors: ceux-là sont les sauvés par Allah, ceux qui seront entrés au paradis Ahlul Jannah sans avoir effectué de bonnes œuvres. Ils rentreront au paradis et on leur dira alors: vous avez certes tout ce que vous désirez. Vous avez certes tout ce que vous souhaitez. Ou comme a dit le prophète alayhi salatu wassalam, il sortira de l'enfer Jahannam par la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Et ainsi ils ne demeureront point éternellement en enfer, car ils étaient croyants mu'minoun, car ils étaient unificateurs mu'ahidoun, quel que soit le nombre de péchés de Ibn Adam, à condition qu'ils soient unificateurs mu'ahid. Et ainsi il ne restera jamais éternellement en enfer. Et ceci par la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et si quelqu'un nous demande: quels sont les péchés qui font entrer dans le feu de l'enfer? Cette question fut posée à Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah. Et alors il répondit rahimahullah ta'ala: quant aux actions des gens du feu al-Nar, ash-shirku billah, l'association à Allah, wal-kuf, la mécréance, wat-takdhib ar-rusul, traiter de mensonges les messagers, al-kadhib, le mensonge, al-khiyana, la trahison, al-hasad, la jalousie, al-ikhtilaf bayn as-sirr wal-alaniyah, la divergence entre l'apparent et le caché, le fait de délaisser les obligations d'Allah, le fait de dépasser les limites d'Allah, le fait de commettre les interdits d'Allah, le fait d'avoir peur de la créature en dehors du Créateur, le fait d'obéir à la créature en désobéissant au Créateur, as-sihr, la magie et la sorcellerie, عقوق الوالدين, la désobéissance aux parents, قطع الرحم, ne pas lier les liens de parenté, l'indécence, قطف المحصنات, traiter les innocentes de fornicatrices, تولي يوم الزحف, rebrousser chemin le jour de la rencontre de l'ennemi, أكل الربا, consommer l'usure, أكل أموال اليتام بالظلم, utiliser injustement l'argent de l'orphelin. Et il cita également d'autres grands péchés. Rahimahullah ta'ala. Et lorsque le messager d'Allah alayhi salatu wa salam un jour a prêché les gens avec un long et éloquent discours sallallahu alayhi wa sallam, il cita l'ensemble des péchés faisant entrer la personne en enfer. Et il dit, comme ceci a été rapporté dans le recueil authentique de l'imam muslim, selon Iyad ibn Himar radiallahu anhu, il dit sallallahu alayhi wa sallam: et les gens de l'enfer ahlun nar sont divisés en 5 catégories. Le faible n'ayant pas de raison. Le faible dépourvu de raison. Et le prophète alayhi salatu wa sallam le caractérisa de faible, car en fait il voulait dire par cela qu'il avait une faible volonté. Et il n'a pas de raison. Et il ne délaisse pas les interdits. Et il est tellement faible que les plaisirs prennent dessus sur lui. Et ainsi il désire effectuer ses plaisirs même si c'est en dépit des règles islamiques. Le faible n'ayant pas de raison. Ceux qui vous suivent et qui ne cherchent pas d'argent ni de personne. Ceux qui suivent. Un homme se levant et se couchant alors qu'il te trahit dans tes biens et dans ta famille. Puis il cita le mensonge ainsi que l'avarice. Puis il cita celui au mauvais comportement et à la langue fourchue. Telles sont les actions les plus générales, ayol yakhwa, causant la perdition de l'âme al-insan dans la demeure dernière, al-akhira wal-ayadu billah. Ainsi, ayol yakhwa tul kiram, c'est ainsi que rentrera en enfer ceux qui y sont rentrés, et que sont sortis de l'enfer ceux qui y sont sortis. et que sont restés et demeurés ceux qui y seront restés et demeurés. Certains y seront entrés pendant un court moment, mais le cours en enfer, y wallah, est très long. Certains auront été peu châtiés, mais le peu en enfer signifie, y wallah, très intensément et très dur, jusqu'à ce que sorte le dernier homme de l'enfer, Jahannam. Il fut évoqué par le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, et le hadith est dans les deux recueils authentiques selon Ibn Mas'ud, radiallahu anhu. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, nous dit, je connais le dernier homme qui sortira du feu An-Nar et qui rentrera au paradis Al-Jannah. C'est un homme qui sortira de l'enfer An-Nar en rampant. Il sortira de l'enfer An-Nar, ayol ikhwa, en rampant. C'est un homme qui sortira de l'enfer An-Nar en rampant. On lui dira alors, entre au paradis. On lui dira alors, entre au paradis. Il y entrera, mais on lui fera croire que le paradis est rempli. Et alors il dira, Ya Rab, au Seigneur, je l'ai trouvé rempli. Et alors on lui dira, entre au paradis et tu y auras l'équivalent de 10 fois tous les biens de ce moment d'ad-dunya. Et alors le serviteur répondra, Ya Rab, au Seigneur, te moques-tu de moi alors que c'est toi le roi Al-Malik? Puis Ibn Mas'ud radiallahu anhu nous dit, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, lorsqu'il évoqua ce hadith, rit jusqu'à ce que l'on aperçût ses molaires. Et ainsi, voilà ce qu'on dit de celui qui sera au plus bas niveau du paradis Al-Jannah. Ainsi, qui est-ce qui est resté en enfer? N'est plus resté qu'en enfer, ayol ikhwa, les mécréants Al-Kuffar, et les associateurs Al-Mushrikoun, et les hypocrites Al-Munafiqoun. Après que les musulmans et les unificateurs soient sortis de l'enfer An-Nar et rentrés au paradis Al-Jannah, ne restera en enfer que les mécréants Al-Kuffar et les associateurs Al-Mushrikoun et les hypocrites Al-Munafiqoun. Quelle sera leur situation à l'intérieur? Quel y sera leur sort? Quel sera leur état? Comment est l'enfer? Quelle est la description de l'enfer? Quelles sont les informations justes et authentiques concernant cette description? Les réponses à toutes ces questions, ayol ikhwatul kiram, seront traitées bi-idhnillahi azza wa jal lors du prochain discours la semaine prochaine, si Allah nous décrète la vie et la rencontre. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi wa as'alullaha jalla wa ala an yarzuqana al jannah wa an yaj'alana min ahliha innahu ala kulli shay'in qadir wa an yunajjina min an nar wa min adhabiha innahu ala kulli shay'in qadir wa innahu sami'u ad du'a wa mujibu ad da'awat. Je demande à Allah jalla wa ala qu'il nous fasse parmi les gens du paradis Ahlul Jannah, et qu'il nous fasse entrer dans ce paradis, et qu'il nous préserve du feu, de l'enfer An-Nar, et de son châtiment et de son supplice. Lui seul en a la capacité et le pouvoir. Oh Allah, nous demandons protection auprès de toi contre le feu. Oh Allah, nous demandons protection contre toi, auprès de toi contre le feu. Innaka ala kulli shay'in qadir. Tu es le seul capable de toute chose. Et je tiens à préciser par la même occasion que toute parole véridique de ce prêche ne peut provenir que d'Allah seul, et que toute erreur ou oubli ou omission ne peut provenir que de moi ou de Shaytan. Et je demande à Allah, Jalla wa ala, par ses noms parfaits et ses attributs sublimes, qu'il préserve de tout mal dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà, et qu'il évoque en bien auprès de lui dans les grandes assemblées, et qu'il accorde sa bénédiction à son noble messager ainsi que sa famille, ses compagnons, ses bien-aimés et tous ceux qui suivent son chemin jusqu'au jour dernier. Et notre dernière invocation, ayyuhal ikhwatul kiram, que toutes les louanges appartiennent à Allah, le Seigneur de l'univers. Walhamdulillahi rabbil alamin.